بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نبدأ اليوم الدرس الخامس في تفسير سورة النبأ. On commence aujourd'hui le cinquième cours dans l'explication de سورة النبأ. فرأينا في الأسبوع الماضي أن الله تعالى أعد جهنم للكافرين وأنهم يلبثون فيها إلى الخلود. Nous avons vu la semaine dernière que Allah le Très-Haut a préparé l'enfer pour les mécréants et qu'ils y resteront, ils y resteront éternellement. وقلنا إننا سنرى اليوم بعضما أعده الله للكافرين في جهنم. Et on a dit qu'on allait voir aujourd'hui certaines des choses que Allah a préparées pour les incroyants dans l'enfer. Allah le Très-Haut qui dit: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. Ils n'y goûteront ni fraîcheur, c'est-à-dire ils n'y trouveront ni fraîcheur ni breuvage. Mais par contre, ils auront une eau extrêmement chaude et un mélange infect. من المعلوم أن النار من أنواع عذاب جهنم. Et donc il est connu que le feu fait partie des châtiments de l'enfer. لكن العذاب لا ينحصر على هذا. Cependant, le châtiment ne se suffit pas de cela. Il n'y a pas juste le feu comme châtiment. فإن الكافرين لا يجدون في النار بردا يبردون به جلودهم ولا يجدون شرابا يدفعوا ظمأهم. Car certes, les incroyants dans l'enfer, ils ne trouvent pas de fraîcheur pour rafraîchir leur peau, et ils ne trouvent pas non plus de boisson pour repousser leur soif. فتأملوا يا إخوة وأخوات الخلود في النار وحده كاف ليخافه الإنسان على نفسه. Méditez sur cela, ô mes frères, mes sœurs. Le fait de rester éternellement dans le feu, ce seul point suffit pour que la personne ait peur pour sa propre personne. فما بالكم لو زدنا على ذلك أن الإنسان لا يجد في جهنم ما يبرد به جلده ولا يدفع ظمأه. Alors que dire si on rajoute à ce châtiment le fait que l'individu ne trouve pas dans l'enfer quoi que ce soit pour rafraîchir sa peau ou alors calmer sa soif. لكن العذاب لا يقتصر على هذا. Cependant, malgré cela, le châtiment ne s'arrête pas là. Le châtiment ne s'arrête pas là. Allah Ta'ala qui dit illa hamiman wa ghassaqa. Mais cependant, ils trouveront une eau extrêmement chaude et un mélange infect. فالذي يجدونه هو الماء الذي انتهت حرارته ويشوي وجوههم ويقطع أمعاءهم من حرارته كما ذكره السعدي في تفسيره. Et donc ce qu'ils vont trouver dans l'enfer, c'est une eau extrêmement chaude, une eau qui est la plus chaude, cette eau qui va faire cuire leur peau, leur visage, et déchirer leurs intestins ou leur système intestinale. Tellement cette eau est chaude. Tellement cette eau est chaude. Comme l'a cité le Cheikh Saadi dans son tafsir. Et donc cette eau qui va faire rôtir, qui va... Ils vont se retrouver presque comme de la nourriture sur le feu. Méditez sur cela. Qui d'entre nous peut supporter cela? Qui aujourd'hui peut supporter cette difficulté? Amma al-Rassak, فقال ابن كثير هو ما اجتمع من صديد أهل النار وعرقهم ودموعهم وجروحهم. الغساق, ce que j'ai traduit par un mélange infect. Ibn Kathir, il dit ce qui est voulu par là, al-ghassaq. C'est un mélange de pu des gens du feu et de leurs sueurs, de leurs larmes et de leurs blessures. Un mélange de pu des gens du feu, de leurs sueurs, de leurs larmes et de leurs blessures. Ajaran Allah wa iyyakum min an-nar. Qu'Allah nous préserve ainsi que vous du feu. من يستطيع اليوم أن يشرب صديده هو. Qui aujourd'hui est capable de boire, d'avaler son propre pu? لا أقول صديد غيره. Je ne dis pas le pu d'une autre personne. لكنني أقول صديده هو. Cependant, je dis son propre pu à lui. Qui est capable de l'avaler? Ya ikhwa wa akhawat, kawnuna nadrus jami'an ba'da ma a'addahu Allah ta'ala fi jahannam yanbaghi an yu'athira fina fanata'allam ma hiya asbab ad-dukhul fi an-nar linajtanibaha. Oh mes frères et sœurs, le fait que nous étudions ensemble certains éléments parmi ceux que Allah a préparés dans le feu, cela devrait avoir un impact sur nous. Cela devrait nous toucher afin que nous puissions apprendre quelles sont les causes qui mènent à l'enfer, qui mènent au feu, afin de nous en éloigner. فَإِنَّنَا إِلَى الْأَنَّ فِي هَذِهِ الدُّرُسِ رَأَيْنَا أَنَّ الْكُفْرَ مِنْ أَسْبَابِ الدُّخُولِ فِي النَّارِ. Car nous, jusqu'à présent, dans ces cours que nous avons commencé, nous avons vu que la mécréance fait partie des causes qui font rentrer dans le feu. وَهُنَاكَ أَسْبَابٌ أُخْرَى سَنَعْلَمُهَا إِنْشَاءَ. Mais il y a d'autres causes. Nous allons les connaître, inshallah ta'ala. وبعض الناس يرى نفسه اليوم مؤمنا ويظن انه لا يمكنه ان يموت على الكفر. Certaines personnes aujourd'hui, ils se voient croyants. Et ils pensent qu'il n'est pas possible qu'ils meurent en état d'incroyant. أخرج الإمام أحمد في مسنده عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة فتنا كأنها قطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ثم يمسي كافرا ويمسي مؤمنا ثُمَّ يُصْبِحُ كَافِرًا. L'imam Ahmed, rahimahullah, il a cité dans son recueil Al-Musnad, selon Al-Nu'man ibn Bashir, qui dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit certes, il y aura avant l'heure, avant la fin des temps, des troubles comme des parties de la nuit assombries, une nuit fortement assombrie. Durant ces troubles, l'homme se trouvera à l'aube croyant, puis en soirée incroyant. Et en soirée incroyant, ou alors, et en soirée, il se trouvera croyant, puis à l'aube incroyant. Al-amru khatir. Et donc cela est dangereux. هذه الذنوب التي تقوم بها قد تكون سببا في خروجك من الإسلام إلى الكفر فتنبهوا لهذا. Et donc ces péchés que tu accomplis et que tu négliges, il se peut qu'ils soient la cause que tu sortes de l'islam vers la mécréance. Alors faites attention à cela, ne négligez pas les péchés. Ensuite, Allah le Très-Haut, il dit « Jaza'an wifaqa, innahum kanu la yarjuna hisaba, wa kadhabu bi ayatina kidhaba, wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba, fadhuqu falan nazidakum illa azaba. » Tout ceci en punition juste et équitable. Certes, ils ne s'attendaient pas à rendre compte. Ils ne s'attendaient pas à rendre des comptes. Et ils ont traité nos signes. Ils ont perpétuellement traité nos signes de mensonges. Alors que nous avons certes dénombré toutes choses par écrit. Goûtez donc, nous n'augmenterons pour vous que le châtiment. فبين الله تعالى أن هذه العقوبة التي حلت بهم موافقة لأعمالهم واعتقاداتهم الفاسدة. Et donc Allah le Très-Haut, il a montré que ce châtiment qu'ils reçoivent, il est en réalité en accord avec leurs œuvres et leurs croyances corrompues. جزاءً وفاقًا. Ceci en rétribution juste et équitable. فَاللَّهُ لَمْ يَظْلِمْهُمْ. Et donc Allah ne leur a pas fait injustice. قَالَ تَعَالَى فِي سُورَةِ النِّسَاءِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. Allah il dit dans sourate An-Nisa, Inna Allah la yazlimu mithqala dharra. Allah ne fait injustice ne serait-ce que le poids d'un atome. Fa ha'ula istahaqqu hadhihi al-'uquba bisabab a'malihim. Et donc ces gens, ils ont mérité ce châtiment lourd à cause de leurs péchés, à cause de leurs œuvres. ولذلك ذكر الله أعمالهم التي بها استحق هذه العقوبة الشديدة. Et c'est pour cela que Allah le Très-Haut, il a cité les œuvres qu'ils ont accomplies et ces œuvres qui ont été la cause qu'ils méritent ce châtiment terrible. Allah le Très-Haut qui dit إنهم كانوا لا يرجون حسابا. Certes, ils n'espéraient pas, certes, ils ne s'attendaient pas à rendre des comptes. Aï annahum kanu la yu'minuna bil ba'th wa la bi annahum muhasabun. C'est-à-dire qu'ils ne croyaient pas en la résurrection. Et ils ne croyaient pas qu'ils seraient un jour jugés. Falidhalika ahmalu al-a'mal lil akhirah. Et c'est pour cela qu'ils ont délaissé les œuvres pour l'au-delà. Vous voyez aujourd'hui autour de nous tous ces gens qui délaissent les œuvres qui sont bénéfiques dans l'au-delà. La salat, la zakat, talab al-ilm, l'apprentissage. Il se concentre dans dunya, dunya, dunya. Il se réveille, l'argent, manger, les femmes, s'amuser, dormir. Voilà les objectifs de la journée. Et lorsque le confinement arrive, on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus quoi faire, on s'ennuie. Certains arrivent à s'ennuyer. C'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible d'arriver, d'être un adulte et de s'ennuyer à cause du confinement. Pourquoi ? Tu as réussi à apprendre le Coran en entier ? Tu as réussi à apprendre beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Tu as réussi à mémoriser les moutoun ? Tu arrives à t'ennuyer ? Et dunya, la dunya en fait. Il faut qu'on arrive à délaisser cet accrochement à la dunya. Beaucoup de personnes, ils délaissent l'accomplissement des bonnes actions parce qu'ils oublient. Ils oublient ce moment où ils seront interrogés concernant leur temps libre, ce qu'ils en ont fait, concernant leurs biens, ce qu'ils en ont fait, concernant leurs enfants. N'oublions pas donc cet instant terrible où nous serons jugés. Et d'autres n'y croient pas du tout. Ils n'y croient pas du tout. Et donc tout ce qu'ils font, c'est sur la dunya, c'est tout. Ensuite, Allah Ta'ala qui dit « وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّبًا » Ils ont traité nos signes de mensonges. Ils ont perpétuellement traité nos signes de mensonges. فَكَذَّبُوا بِالْآيَاتِ وَالْبَرَاهِينِ الدَّلَّةِ عَلَى صِدْقِ مَا جَاءَتْ بِهِ الْمُرْسَلُونَ Ils ont traité de mensonges les signes et les preuves qui montrent le caractère véridique de ce avec quoi sont venus les messagers. Alors que nous avons dénombré toutes choses par écrit. C'est-à-dire que Allah a dénombré toutes choses parmi les bonnes et les mauvaises choses, les grandes et les petites. Toutes les œuvres sont inscrites dans la tablette protégée. Toutes. وَهَذَا يُؤَكِّدُ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَظْلِمْهُمْ وَأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ مَنْ يَحْذِفُ شَيْئًا مِنْ أَعْمَالِهِمْ Et donc cela va confirmer le fait que Allah ne leur a pas fait injustice. Cela confirme qu'Allah, par ce châtiment, il ne leur a pas fait injustice. Parce que certains traitent le châtiment du feu comme une injustice. Et ça, on verra demain, Inch'Allah. Bi'idhnillah, ce sujet, on aborde demain. Ceux qui jugent le châtiment du feu comme étant une injustice. Et donc, Allah ne leur a pas fait injustice. Mais il les a châtiés en fonction des œuvres qu'ils ont accomplies. Allah le Très-Haut, il dit dans Surat Al-Kahf, « Wa wudi'a al-kitab » فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا Alors, on placera le livre, c'est-à-dire le livre de chacun. Le livre qui contient les œuvres. Et tu verras les criminels effrayés à cause de ce qu'il contient, à cause de ce que contient ce livre. Et ils diront malheur à nous, qu'à ce livre, à nos maîtres de mentionner ni petit ni grand péché. qu'un seul livre à nos maîtres de mentionner ni petit ni grand péché. Le livre mentionne tout. Ils verront donc en face d'eux les œuvres qu'ils ont accomplies. Et ton Seigneur ne fait injustice à personne. Et ton Seigneur ne fait injustice à personne. Et donc, ils ont mérité ce châtiment. Alors Allah Ta'ala, il dit à la fin, pas à la fin de la sourate, mais le dernier verset de la page, de cette première page, il dit « Fadhuku falan nazidakum illa azaba » Goûtez donc. Nous n'augmenterons pour vous que le châtiment. Et donc il leur sera dit cette parole. Lorsqu'ils goûteront leur feu, il leur sera dit cette parole. Fayazdadu adabuhum fi kulli waqtin. Leur châtiment va augmenter à tout instant. Zakara ibn Kathir, rahimahullah, fi tafsirihi. An Abdillah ibn Amr annahu qala لم ينزل على أهل النار أو لم ينزل على أهل النار آية أشد من هذه فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا قال فهم في مزيد من العذاب أبدا انتهى ابن كثير رحمه الله il cite dans son tafsir selon Abdullah ibn Amr qui dit: il n'y a pas un verset plus dur, il n'y a pas un verset qui fut révélé, qui soit plus dur que, qui soit plus dur concernant les gens du feu que celui-ci. Fazuku falan nazidakum illa azab. Donc goûtez. Goûtez donc, nous n'augmenterons pour vous que le châtiment. Il dit Abdullah ibn Amr. Alors, ils sont dans une augmentation du châtiment. Ils sont dans une augmentation éternelle du châtiment. Fin de citation. Un châtiment qui ne cesse d'augmenter. Quand tu sais que ce que tu subis, ça fait mal. Et quand tu sais que ce que tu subis, tu l'as éternellement. Et quand tu sais que tu ne trouves rien pour calmer ta soif, pour rafraîchir ta peau, et quand tu sais que ce châtiment ne va faire qu'augmenter, qu'Allah nous préserve du feu de l'enfer, qu'Allah nous préserve de la mécréance, il est certes capable de toutes choses. Demain, Inch'Allah ta'ala, on va continuer l'explication de Surat al-Naba. On va terminer, bi'idhnillahi ta'ala, demain, l'explication de Surat al-Naba. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous préserve du feu de l'enfer. Il est certes capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.